sont des traits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. J'ai pas dites-leur que je me perche. Inutile de me mettre au trou. Demain, de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins. Boulevard Désert, c'était demain, de bon matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée à l'écoute de Radio Contact. Et ben, ça va continuer. Hein. Vous avez vu, les gars, j'ai une nouvelle chemise. Hein. Ouais. Oui, mais. Il est 16h. Oh, on va développer évidemment. Oui, hein. Mise à jour activée. Are you ready for this? Le 16-20 démarre maintenant. Applaudissements! Oh, quelle ambiance. Les caméras sont un petit peu mal. C'était très imposante à l'image, hein, Lucille. Oui, bah ouais. Un gros zoom sur toi. Ouais, peut-être. On espère que ce n'est qu'un zoom. Bon, j'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée. Nous, tout va bien. Thibaut a une petite surprise. Oui, excuse-moi, Thibaut. Je vous ai pris un petit dessert dans ce petit sac magnifique. Toi qui l'as acheté. Mais offert. Évidemment. Hein, à mon avis, il n'aime pas. Donc, c'est pour ça qu'il le propose aujourd'hui. On verra ça dans quelques instants. On passera en revue, le gagnant de Hello Crowd qui est reparti avec 6000 euros, il est passé par les studios. Ouais. Nicolas, qui vient de Waterloo, qui a remporté 6000 euros hier. Vous serez peut-être le prochain gagnant d'une belle somme d'argent. On en parlera dans les prochaines minutes. Quel est votre jour préféré de la semaine? Une étude scientifique est sortie. Un classement officiel des 7 jours a été établi. Il y a d'ailleurs un article qui a été posté, Nathan. Ouais, sur Facebook, David Antoine, vous pouvez déjà commencer à réagir comme vous le faites tout au long de l'émission et on lit vos commentaires. Alors, une pilule qui va remplacer le sport. Ah oui, ça c'est incroyable. Vous en avez rêvé, bien, elle a été créée et bientôt commercialisée. On reviendra également sur le ciné aujourd'hui et l'actu télé. Oui, avec cette question, David, on répondra à cette question. Que gagnent réellement nos animateurs et présentateurs à la télé? Donc sur RTL et sur la RTBF, il y a des chiffres. Je pourrais te les confirmer. Ah bah tu sais quoi? Je les confirmerai ou pas. D'accord. On connaît les tarifs. Hein. Et on est bien en radio. Allez, je me tente. Côté musique, on a fait le plein avec les Magic System. Ils sont là. Et puis juste avant, Puggy et Soul sur Radio Contact. Soyez les bienvenus. Le 16-20 commence maintenant. As the day will come to shore and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No. Now's the time to understand. No. And now I see how we could be so young, feeling like we're so strong. Always believe. You always knew your heart song, sang it till the break of dawn, till we could see. Believe. You always knew your heart. Contact. Radio Contact. Magic System, Red One, Shawty. Ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Magic System, Lucille, qui est allée les voir récemment, hein. David Antoine. Ah non, c'est pas ça, allez, ça. Oui, je les ai vus ce week-end, dimanche, je pense. Il y avait un concert à Bruxelles, bah, très sympa. C'est quand même un groupe qui met l'ambiance, mais en deux secondes. T'entends deux notes de musique et c'est parti, tout le monde danse. C'est la maladie, bouger, bouger. Exactement. Hein. On s'en sort pas. On était hier dans la mise à jour et on s'est raconté nos week-ends. Hein, c'était fantastique. On a offert également 6000 euros à Nicolas pour son projet de Airbnb des bureaux. Ouais, projet vachement sympa. Space avec Hello Crowd. Et puis, on a découvert une théorie très intéressante sur les extraterrestres. Bref, on est parti dans tous les sens. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. Nous serions un zoo pour qui? Pour les extraterrestres. Alors c'est apparemment dingue. Quelque chose d'assez sérieux en plus. Alors cette théorie, c'est celle selon laquelle les extraterrestres existent, qu'il y aurait plusieurs peuples extraterrestres, environ 500 espèces différentes, des extraterrestres beaucoup plus avancés que nous, qui se seraient en quelque sorte mis d'accord, un peu comme l'ONU, hein, pour ne pas nous contacter, mais pour passer de temps en temps nous voir. T'y crois Thibaut ou pas? Moi, je crois que oui. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans le monde, dans la galaxie. Non, mais le côté zoo.

Final Song, c'était sur Radio Contact. Merci d'être là. Le 16-20. Hey yo, what's up? Sur Radio Contact. Bon alors, il y a quelques minutes, moins d'une heure même, il y a un certain Nico de ouais. Waterloo, qui est passé par les studios de ouais. Radio Contact. Très sympa. Nico nous avait proposé une chouette idée, le Airbnb des bureaux. Autrement dit, vous avez un bureau où il y a un petit peu d'espace, et bien, vous alliez pouvoir accueillir un entrepreneur qui, on imagine, c'est un graphiste. Ouais. Le graphiste vient chez vous, il bénéficie de l'espace de coworking, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Mmh. Mais en plus de ça, eh bien, c'est gratuit pour lui parce qu'il presse un ou deux jours. Un logo, par exemple. Pour cette société. Résultat, eh bien, il a son loyer payé. C'est pas mal. Résultat, eh bien, il a empoché 6000 euros pour lancer cette entreprise. Nico, qui était tout content, la photo est disponible. Ouais, sur la page Facebook de Radio Contact. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, il a déjà quasi tout développé au final dans son projet. Ouais, exact. Il reste plus qu'à vraiment développer l'application en tant que telle. Il manquait le petit kick très important pour lancer tout ça. Donc, si vous aussi, il vous manque ce petit kick, ou alors une plus grosse partie, rendez-vous sur radiocontact.be. On en parlera dans un instant. C'est l'opération Hello Crowd et crowdfunding qui vous permettra de récolter un petit peu d'argent pour lancer tout ça. Bien, Mo, c'était il y a quelques secondes avec Final Song. Je vous rappelle, ils seront en concert le 3 octobre prochain à l'Ancienne Belgique. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on vous offrira des places dans le 16-20. En attendant, et avant de retrouver vos messages, Don Diablo déboule. Ce sera What We Started sur Radio Contact. De vos ambitions, c'est votre choix. ING fait tout pour le rendre possible. Comme pour Léa et Hugo, fans de science-fiction. Léa rêve de visiter un Space Center, Hugo voit plus loin. Il a acheté sa place à bord de la navette qui partira pour Mars en 2023. Les débuts d'une relation à distance de longue durée. L'ING Lion Account gratuit est le compte à vue qui vous permet de gérer votre argent où que vous soyez, même sur Mars. Demandez-le maintenant. Infos et conditions sur ing.be. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durandos, doyennés du Comis, conférences et conférences bio. Mmh. Et leur prix ? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Every rule they made, I never changed what we done. It made us who we are today. I'm taking every chance I get to make it so you won't forget who we are, who we are. Never be, never be, never be, never be us. denied. Yeah, they will come chasing us. We find a new place to hide. Making our plans to break out. Give me your hand and they will know who we are. J'aime bien ce morceau. Le 16-20 avec Don Diablo sur Radio Contact. What We Started qui a été enregistré, vous le voyez peut-être sur Radio Contact en télévision, à Tomorrowland le clip. Ah oui, c'est vrai. T'as vu? Oui. Ah oui, ils ont pris des images. Ouais. Oui, ah ouais, c'est beau hein, quand même. Hein. Ouais. Bon, on parle du jour préféré de la semaine. Ça vous paraît peut-être un petit peu débile. Et pourtant, vous avez pas mal d'avis différents. Et un classement officiel a été établi et ça m'a complètement surpris. Ouais, en tout cas, sur Facebook, on vous a demandé la question, quel est votre jour préféré de la semaine? Alors évidemment, la réponse principale, je dirais 80%, c'est évidemment le vendredi, ça paraît évident. Mais on a quand même des réponses qui diffèrent un petit peu, comme Alizé qui dit, moi c'est le mardi parce qu'on a le rythme déjà sans être trop dégoûté de la semaine. Enfin, tu vois, le mardi, ouais. T'as eu le petit échauffement. Et puis Anso, bon, moi c'est le lundi quand les enfants ont repris le chemin de l'école. Tu vois, c'est un plaisir, ça c'est les parents, ouais, bien sûr. Différent. Pour Nathalie de la Hulpe, c'est le dimanche car c'est le seul jour de la semaine où mon mari est près de moi. Déteste le dimanche. Bon, Last Week and Seas arrive dans un instant. Beautiful Life et derrière Contact News à 16h30. Au jeudi, 20h minuit, retrouvez Christopher sur Radio Contact. En parlant de Louane, elle a annoncé une chouette nouvelle du côté de sa page Facebook. Radio Contact est là encore une fois pour la partager avec vous, cette bonne nouvelle. Sachez qu'elle aura l'occasion comme ça de diffuser son show en live. Ce sera en septembre dans tous les cinémas. Louane va faire plaisir à son public belge. Radio Contact. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Télénet, canal 12. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In The Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In The Mix. In The Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Radar, accident, problème sur la route, informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93, 15 centimes par message. Elle a gagné grâce à Radio Contact. Can you make me feel good? Tu as trouvé la ville grâce aux trois indices, c'était Dublin. Yes! C'est gagné! Super! ça, juste comme ça, un indice, tu aimerais partir où? Ben, on avait pensé à Rome, surtout qu'on n'a pas pu partir cet été, donc c'est vrai que c'est vraiment, ça tombe à pic. Eh ben, ça tombe super bien. Vos plus beaux cadeaux se gagnent uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. I follow. Mountain high and river low, I follow. Lost Frequencies sur Radio Contact avec Beautiful Life. Déposez votre boudin de porte démodé chez un de vos dealers Hermann pendant les portes ouvertes et recevez une réduction de 400 euros sur votre nouvelle porte d'entrée Hermann. Plus d'infos sur hermannavec2n.be. Contact News. On retrouve Valérie de Winter, elle nous informe. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Le quartier européen à Bruxelles bouclé pour l'heure de pointe de fin de journée en raison de la manifestation contre le CETA et le TTIP. Ces deux traités entre l'Europe et le Canada d'une part, l'Europe et les États-Unis de l'autre. Le CETA qui est bouclé pourrait recevoir un premier feu vert demain. Entre 10 et 15 000 personnes attendues rue de la Loi. Le cortège démarre en principe vers 17h en direction de Schuman. Sur place, on vous retrouve Pascal Ourmand. Alors comment ça se passe en ce moment? Eh bien écoutez, pour l'instant c'est encore très calme, les manifestants affluent ici, des groupes se constituent sur les perpendiculaires de la rue de la Loi, des personnes issues de mutuelles, de mouvements environnementaux, du monde agricole et d'organisations en tout genre. Ils se rejoindront dans une demi-heure pour marcher tous ensemble avec un même message que l'on peut lire sur les flyers, TTIP, Game Over. Concrètement, ils ne veulent pas des accords de libre-échange transatlantique et pour eux les arguments ne manquent pas. Les fermes familiales, par exemple, ont peur d'être sur la paille au profit de l'agro-business. Et puis, ces traités aideraient à armer les grandes multinationales contre les États. Voilà pour quelques exemples. Et le temps presse, puisque les ministres européens du commerce pourraient décider dès jeudi de signer le traité avec le Canada. Merci beaucoup Pascal. Pascal Ourmand en direct de la manifestation qui va démarrer rue de la Loi à Bruxelles. J'ajoute cette info qui tombe à l'instant. Il n'y aura pas de grève générale le 7 octobre, annonce de la FGTB. Pas de grève, mais des actions ciblées ce jour-là. Tous les reçus collés de la faculté de médecine de l'université de Namur vont pouvoir passer en deuxième bac. Le tribunal des référés de Namur leur a donné raison. Le jugement a été rendu cet après-midi. Il concerne tous ceux qui avaient réussi leur année en décrochant 45 des 60 crédits, mais n'avaient pas été suffisamment bien classés au fameux concours de fin de première. L'université de Namur doit à présent les inscrire en déant les 48 heures sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. De nouvelles interpellations en France dans l'enquête sur la fausse alerte terroriste du week-end dernier à Paris. Après un premier adolescent de 16 ans hier, deux autres âgés de 14 et 17 ans ont été arrêtés aujourd'hui. Le plus âgé pourrait être le deuxième hacker entendu sur l'appel donné aux policiers. Cet appel avait déclenché une très vaste opération de police. Réunion cruciale à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU au sujet de la situation en Syrie où les combats ont repris de plus belle au lendemain de la fin de la trêve. La situation est telle que les convois d'aide de l'ONU ont été suspendus. Google pourrait dévoiler un nouveau smartphone le 4 octobre à San Francisco lors d'un événement auquel le groupe a convié la presse sans en dévoiler la teneur. Cet appareil ferait directement concurrence au produit d'Apple qui vient de lancer son iPhone 7 et à ceux de Samsung dont le Galaxy Note 7 a raté son lancement en raison d'un rappel général suite au risque d'explosion de sa batterie. Chez Qwait, épargnez aussi des points plus de l'aise. Cette semaine, 100 points plus en plus pour chaque plein de minimum 25 litres. Ça, c'est un bel avantage. Action sous condition. Bon, Valérie, apparemment, nord et sud, c'est pas vraiment la même chose. Hein. C'est pas pareil. On a du soleil sur la moitié nord, des averses par moment sur le sud-est. Au thermomètre, eh bien 15 à 17 degrés sur les hauteurs, 20 à 21 sur le reste du pays. D'accord. Bon, une question. Quel est ton jour préféré de la semaine ? Le vendredi. Tiens, bizarre. Un petit peu comme tout le monde. On va faire un classement dans un instant. Classement officiel. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Je n'ai peur du ridicule que si l'on ne me trouve plus folle. Soyons malins, rusés et peut-être idéalistes. Maman disait que nos rêves parfois rien les réalisent. Qu'on me baïonne, qu'on me taise, qu'on me laisse dire ce qui me plaît. Qu'on me pardonne. Je veux rire, je veux crier haut et fort. Toutes mes conneries, mes délires. À tort ou à raison, on verra. Il n'en tient qu'à nous. Soyons forts, soyons fous. Et rien à foutre qui pense de nous. On me baïonne, on me teste. Qu'on me laisse dire ce qui me plaît. Qu'on me pardonne, qu'on me protège. Mais qu'on me laisse vivre ma liberté. Nos éclats de rire sont nos complices. Nous ne Shimon, la malice. Bon, vous l'avez compris, hein. Shime qui envisage de devenir peut-être même maman, mais avant ça, va se marier. Quasi de source sûre. Hein. Avec Benoît Paire, le joueur de tennis français. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Un grand amour. Hein. Ouh là là. Ouais, t'es jaloux un petit peu, il me semble. Hein. Moi, je me souviens d'une photo qu'il y avait de vous deux. Vous étiez un petit peu proches. Enfin, c'est pas moi qui ai demandé, c'est elle qui a voulu. Ah bah oui, bah, c'est ce que faut je jamais dis. L'oublier. Hein. Ça, ce sera noté dans peut-être dans ma biographie, j'en sais rien. Enfin, je sais pas où est-ce que je pourrais le noter d'autre. Moi, je le noterai sur une feuille sur le côté. Mais Shime avait dit, tu veux venir sur mes genoux. Ouais. Et là, quand Shime te demande ça, qu'elle te regarde dans les yeux, tu fais. Oui, d'accord, je peux bien. un petit peu gêné, un petit peu timide. Bon, on revient à nos moutons, à savoir ces jours de semaine. Alors, quel est votre jour préféré de la semaine, Thibaut? Moi, je dirais le mercredi, parce que jeudi, vendredi, je suis en congé. Bon, il y en a qui disent ce vendredi, moi, c'est le mercredi. D'accord, voilà. Donc Thibaut, parce qu'il est en congé, évidemment. Alors moi, avant, je détestais les dimanches. Et puis finalement, maintenant, je me dis, c'est la journée où je peux passer toute la journée dans mon canapé, regarder des séries, c'est pas mal. D'accord. Moi, je crois que je dois être le seul, mais c'est le lundi. Moi, j'adore recommencer la semaine, avoir de nouvelles choses, des gens qui répondent enfin aux emails, etc. Ouais, bien sûr, t'as quel âge? Moi, j'ai 21 ans. Ouais, c'est bon, ça va. Ouais. Le jour, on va dire les. Le mardi. Je sais pas pourquoi, mais le mardi c'est bien. Ah bon, on est mardi aujourd'hui. Ah non, c'est un jour de merde alors. Le jeudi c'est bien. Voilà, jeudi c'est bien. Bon, apparemment, un classement a été établi. Un classement qui est assez surprenant et qui a une logique derrière tout ça. On va vous expliquer le tout dans un instant. Nathan, là nous l'autre message. Pour de Sylvie, moi, mon jour préféré c'est le samedi-dimanche. C'est celui entre le samedi et le dimanche. Tu vois, celui qui manque en fait dans la semaine. Exactement. Et puis pour Vincent, perso, c'est le jeudi quand j'ai congé parce que je vais pêcher avec les amis. Oh, la pêche. C'est plaisir. Et puis samedi de bouillon, mercredi, car je ne bosse qu'une demi-journée, c'est la moitié de la semaine de boulot. C'est vrai pour tous les étudiants, globalement, oui, mercredi, coupure, hein. c'est un jour sympa. Hein, ouais, c'est sympa. Bon, écoutez, on développe tout dans quelques secondes, on vous donne le classement. Vous allez voir, c'est surprenant. Avant ça, Drake et One Dance. One more time before I go, higher powers taking hold. Sur Radio Contact, évidemment. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Eh ben moi, tant que le jackpot de loto n'est pas gagné, je vous raconte des blagues idiotes. Alors attention, que font deux scampi à la montagne? Deux scamping. Deux scamping. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrête mes blagues, promis. Merci loto. Investir autrement, c'est partager nos connaissances avec vous. Dans la vie, il y a des moments où il faut s'entourer d'un expert. D'un architecte pour construire sa maison, d'un médecin quand on est malade. C'est pareil en investissement. Chez Béobank, nos experts vous conseillent dans un langage clair et transparent. Ainsi, vous bénéficiez des stratégies des spécialistes sans avoir à en devenir un. C'est notre engagement numéro 2. Partagez avec vous nos connaissances pour améliorer vos performances. Rendez-vous dans une agence Béobank ou sur investirautrement.be. Béobank, vous êtes bien entouré. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Tonight. it down, I'll take it slow, make you lose control. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake, One Dance sur Radio Contact. Le 16-20. Hey yo, what's up? Sur Radio Contact. Est-ce qu'il est avec Rihanna ou pas? Ah bah oui, c'est officiel là. Ah, ouais, oui. Ah c'est vraiment officiel. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, ils se font des bisous devant tout le monde. Hein. Ouais, bah attends, lorsqu'il a voulu l'embrasser. Ah, mal masqué, voilà, c'est tout. Elle a bien masqué. Le mec, il s'est pris un de ses vents. Oh non, non, c'est pas vraiment, c'est un petit bisou sur la joue, quoi. Il s'était peut-être disputé. Non, non, ce qu'il y a, c'est qu'il lui fait une belle déclaration d'amour pour celles et ceux qui n'ont pas entendu. Et voilà, belle déclaration d'amour. Rihanna monte sur scène. Ah voilà, celle dont je suis amoureux, machin truc. il tend les lèvres, mais les lèvres. Vous savez, c'est pas, je me mets sur le côté pour embrasser ta joue, je tends ma bouche la pour. Bouche en cœur. Allez, voilà, c'est bon, on va se rouler une pelle. Et là, Rihanna fait, attends, je me mets sur le côté et sur la joue. Le mec s'est quand même pris un gros vent. Mais bon, voilà, ouais, s'ils sont heureux. C'est crescendo, tu vois. À la base, ils étaient potes, et puis il y a eu le petit bisou sur la joue. C'est, et maintenant, ouais, voilà, c'est un peu une allumeuse aussi. Hein. Oh, ouais, ça va. Hein. Mais un peu de respect pour Rihanna. Hein. Okay, c'est la famille, quand même. Hein. Bon, meilleur jour de la semaine, c'est lequel alors? Eh ben, le meilleur jour, c'est le samedi. Voilà, c'est en tout cas ce que nous dit ce classement. Le deuxième, c'est le vendredi. Donc, c'est un peu ce que vous nous disiez. Le troisième, c'est le dimanche. Ouais, logique. Logique. Ensuite, quatrième, jeudi. Et d'ailleurs, le jeudi, c'est le meilleur jour pour trouver l'amour. Cinquième position, le mercredi, qui est le meilleur jour, qui est le meilleur jour pour aller boire un verre avec des potes. Ouais. Le sixième, c'est le mardi. Et là, c'est la bonne journée pour commencer quelque chose d'artistique. Et puis, vous l'avez compris, le jour le plus détesté de la semaine, eh bien, c'est le lundi. Ah bah et oui. Pourtant, c'est le meilleur jour pour postuler pour un nouveau travail. Ah voilà. Bah tiens, ah bah voilà, voilà, bah vivement lundi prochain. concernant mardi, alors on est mardi aujourd'hui, on peut dire que c'est quasi un jour pourri. Bah ouais, c'est l'avant-dernier, donc forcément. Alors on va se focaliser sur demain, mercredi, ça c'est quoi dans le classement? Mercredi, bah cinquième, on grimpe les échelons, On va y arriver petit à petit. Jennifer, danse, je danse, c'est ce qui arrive, la jury de The Voice déboule sur Radio Contact, après ça. Etias, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je viens de faire un accident. Il y a des blessés? Non, c'est juste ma voiture qui roule plus. Bon, écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Oui. Mais ça va me coûter combien cette histoire? Parce que moi, ce mois-ci, avec la rentrée, je peux pas. Non, les fournitures, le cartable. C'est gratuit, madame, dans votre assurance auto. C'est gratuit? Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Mes raison, la nuit se pose moins de questions. Dans le berceau des petites gloires, on veut du rêve, pas de l'espoir. Tout le monde se fout de mes raisons, la nuit se pose moins de questions. Les loups ne donnent pas de prénom, ils pissent partout et puis s'en vont. On est quand même en avance, dès qu'on connaît quelques pas de danse. Je ferais bien tourner la chance et bien volter mes cavalières de transe. Mais ce n'est pas encore ce soir que quelque part remplaceront la beauté ou le pouvoir. Et je rentre à la maison et ma baignoire c'est une crique. Et à la télé c'est l'Afrique et tu me manques. Et la musique dans mes oreilles c'est la panique. Ce soir encore je t'en ai voulu. Ce soir encore je me suis déçue. J'ai joué sur le banc en espérant tomber des nues. Mais tu me manques encore, tu me manques. Je danse jusqu'à rire. J'ai pris le jour de ne jamais revenir. J'ai moins peur à vrai dire des vampires que de ton souvenir. Je danse jusqu'à rire. La nuit la vie est moins pire. J'ai moins peur à vrai dire des vampires que de ton souvenir. Alors, Thibaut vient de lever la main là en me disant est-ce que je peux prendre la parole. Ben oui, Thibaut, vas-y. Une petite info sur Jennifer, peut-être. Ma foi. Oui, oui. Parce que Jennifer aussi, elle est jurée dans The Voice Kids. Mais alors, elle fait le buzz avec des petites photos qu'elle vient de mettre sur Instagram où on la voit amincie. Apparemment, elle a perdu quelques kilos. Elle était pas très grosse, mais ouais. Enfin, bon, voilà. Elle était très mince. Hein. Elle a notamment posté une photo d'elle où on la voit toute fluette dans une mini robe à pois assise dans une caisse. Voilà, ça fait le buzz. Voilà. Sur Instagram. En tout cas, ça donne envie d'aller le voir. Attends. Grosse info. Donc elle est toute fluette dans une robe à poids dans une caisse. Voilà, ok, voilà. Super Thibaut. En tout cas, merci beaucoup. Lucille, une autre info. Apparemment, Angelina Jolie et Brad Pitt divorcent selon TMZ. Ah ouais ? Voilà, quoi ? Ça c'est l'info. Ouais. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Brad Pitt et Angelina Jolie divorcent. Ça veut dire que Angelina Jolie divorcerait. Et célibataire, un truc et Brad Pitt. Ben, comme quoi le mardi c'est une chouette journée. Non, c'est un peu triste quand même, hein. Ouais, voilà, on triste, rigole parce que ça restait. Non, c'est vrai ça. On a quand même pas tout un divorce. Non, ça restait quand même iconique. Voilà, on se disait si Brad Pitt et Angelina restent ensemble, c'est beau. Et d'autant plus que lui a fait quand même pas mal de belles déclarations d'amour concernant sa femme. Bon ben voilà, une page se tourne, une de plus. Thibaut, quelque chose à dire par rapport à ça ? Non, je suis triste. Ouais, bah ouais, ça se voit. Alors ménage-toi, prends quelques jours de congé, ça va te faire du bien. Bon, on revient dans un instant avec l'actu télé, Thibaut. Ouais, on parlera notamment, on répondra à cette question. Ça va t'intéresser, David. Combien gagnent réellement nos animateurs et nos présentateurs ? Ah, alors, ça m'intéressait, voilà. Mais ça m'intéresse plus, hein, tu le sais. Ouais, donc, on va développer tout ça. On aura un salaire de David ou pas ? Non, mais on pourra en parler. On pourra en parler librement. J'appelle mon avocat. Chez Lukoil, vous faites chaque jour le plein au meilleur prix. Tous les jeudis, c'est Fiesta. Avec ses réductions extra. Le jeudi chez Lukoil, vous profitez de réductions extra. C'est jeudi fond chez Lukoil. Donne vie au projet de tes rêves grâce à Radio Contact et Hello Crowd. Avant le 29 septembre, convainc l'équipe du 16-20 que ton projet mérite d'être réalisé. 25 000 euros seront répartis entre les 5 meilleurs concepts sélectionnés. Inscris-toi sur radiocontact.be et offre à ton projet toutes ses chances grâce à Radio Contact et Hello Crowd. Gagnant ou pas, tu peux toujours financer ton projet grâce au crowdfunding sur hellocrowd.be. Hello Bank, mobile, just like you. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour BAM 178 euros par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Justin, tous les jours dès 13h sur Radio Contact. Justin Timberlake qui va prendre le temps, beaucoup de temps pour produire son nouvel album qui est prévu pour la fin 2017. Non, pas 2016 mais 2017, voire peut-être 2018. Donc voilà, c'est pas encore pour tout de suite. Il veut prendre son temps. Radio Contact. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Wolu TV, Canal 12. Il a gagné grâce à Radio Contact. Allô, c'est qui ? C'est David. Plus de stress pour toi, puisque ce matin, tu gagnes grâce à Radio Contact l'iPhone 7. Super, magnifique. Bravo, David. David. Merci, merci, magnifique, super, merci beaucoup l'équipe. You know. Vos plus beaux cadeaux se gagnent uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Girl and she's on fire.

regard dans le miroir. Thibaut, on s'intéresse à la télé comme tous les jours à 17h10. On commence par les audiences. Ouais, et troisième place hier soir pour Esprit Criminel sur TF1. RTL TVI est deuxième avec sa nouvelle série, Game of Silence. 318 000 téléspectateurs, 21% de part d'audience. C'est pas mal pour un lancement. Et puis première place hier pour La Une. C'était grâce au film Gone Girl avec Ben Affleck, suivi par 350 000 téléspectateurs et 24% de part de marché. Bon, alors, on va maintenant parler des salaires des animateurs et présentateurs chez nous. Alors, on commence en France. Oui, en France, tu sais que la question est de moins en moins taboue. Les animateurs n'hésitent pas à parler dans la presse et à révéler leur salaire. Chez nous, c'est plutôt secret, c'est tabou. Eh bien, la dernière heure a mené l'enquête avec des chiffres. Et ce que je peux te dire, David, c'est que ces chiffres, ne sont pas très loin de la réalité. Alors, François de Brigode, vous savez, le présentateur du JT de la RTBF, lui toucherait aujourd'hui un peu plus de 3000 euros net par mois. Donc on pourrait penser que c'est beaucoup plus. Eh bien non, 3000 euros net par mois. Chez RTL, le salaire des présentateurs oscillerait entre 2000 et 2500 euros net, sauf pour les vedettes du 19h qui, elles, toucheraient environ 4000 euros net par mois. Chez RTL, toujours, des personnalités comme Julie Tathon et Stéphane Poels facturent, elles, en tant qu'indépendants. Donc, plus elles travaillent, plus elles gagnent de l'argent. C'est le principe. D'autres animateurs vedettes ont, eux, un salaire fixe. Ça peut aller de 2000 euros net par mois jusqu'à 5000 euros net pour ceux qui ont signé un vieux contrat. Donc, des vieux animateurs. Ouais, les trucs, ils vont être dans le placard bientôt. Voilà. Alors, du côté de la RTBF, on est beaucoup moins généreux, puisque le salaire de certains animateurs ne dépasse pas les 2000 euros net par mois. Ajoutons à cela les primes, évidemment, personnelles. Vous voyez qu'on est très loin, bien sûr, des salaires On est très loin des salaires en France. Les audiences ne sont pas les mêmes. Les émissions ne sont pas les mêmes. Les budgets ne sont pas les mêmes. Mais au final, c'est le même métier. On est d'accord. Maintenant, ça reste des sommes très conséquentes, très importantes aussi pour le commun des mortels. Mais bon, voilà. C'est pas non plus... c'est pas Byzance, vous voyez ce que je veux dire. Ils n'ont pas des jets privés. Bon, donc, et les animateurs sur la RTBF qui ne dépassent pas les 2000 euros. Ouais. Tu n'y crois pas en tout cas. Moyen. Dis, t'aurais pu aller demander à Kimad Armouche combien de gagner. Eh ben, non, mais j'ai. Ok, t'as pas demandé, d'accord. Vous l'aurez compris, il n'a pas demandé, il n'a pas pensé. En même temps, c'est pas évident. Tu sais que c'est tabou quand même d'aller demander, tu vois, à quelqu'un combien tu gagnes. C'est un peu délicat, tu vois. J'ai cru comprendre, oui. Allez, merci c'est beaucoup Thibaut. On revient sur Cyril Hanouna dans un instant. Et puis, quelques petites infos en bref. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça ? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'air cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin espagnol Faustino Reserva 2010 ou 2011 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Baise vous fait tourner la tête. Avec un Samsung Galaxy J1 à 1 euro à partir d'un abonnement Baise 20 Smart. si avantageux qu'on oublierait de l'apprécier à sa juste valeur. Non, non, me touche pas avec des doigts pleins de crème solaire, merci. Go Mobile. Base. Infos et conditions sur base.be. Au AP Assurance, nous comprenons que parfois, vous n'avez vraiment pas de bol. Oula, ça c'est le genre de route sur laquelle on espère qu'il n'arrivera rien. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de loup ici, hein. Ouais, ça va, il est loin. Voilà pourquoi, en cas d'accident, vous pouvez nous joindre jour et nuit, même le week-end. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Kiwet présente... Chaque inconvénient a son avantage. Inconvénient. Vous devez faire le plein. Oui, je dois faire le plein. Avantage. Chez Kiwet, vous épargnez aussi des points plus de l'aise. Et cette semaine, pour chaque plein de minimum 25 litres, vous recevez 100 points plus en plus. En plus des points que je reçois normalement? Mais non. Eh oui, ça c'est un bel. Avantage. Quand on épargne les points plus. À ce rythme-là, j'aurai vite mon chèque de 5 euros. Passez donc maintenant dans un Kiwet près de chez vous. Action sous condition. Ça, ça, c'est Radio Contact. Et dès demain 6h, retrouvez le Good Morning. No Money sur Radio Contact. Sur Radio Contact. On est avec Nathan, Lucille et Thibaut jusqu'à 20h. C'est la mise à jour. On parle maintenant de quelques infos télé en bref. Oui, mais tout d'abord, Cyril Hanouna, ça vient de tomber. Vous savez, il en avait parlé il y a quelques temps. Il voulait réaliser ce record de la plus longue émission de télévision. Eh bien, c'est fait. Il va essayer de battre 35 heures d'émission d'affilée. Wow. Ce sera à partir du 13 octobre sur la chaîne C8 en France. Donc, on a vraiment l'impression qu'il fait vraiment ce qu'il veut. C8, il se marre. C'est C8, ça a changé de nom. C8. Je sais, mais c'est Canal. C'est sur... Oui, Canal. ça fait partie du groupe oui, Canal Plus. Ouais, ouais. D'accord, mais D8, c'est là où il était. Ah oui, non, pardon, j'ai rien dit. Ouais. Okay. Ouais. Nathan, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est... Ok, tu veux encore une explication Oui, non, mais vas-y. Alors, autre chose, Thibaut. Oui, quelques infos. Donc, aussi en bref, Jean-Luc Lemoyne, qui est chroniqueur, vous le savez, dans TPMP sur Plug RTL, eh bien, sera bientôt l'invité de Joël Scorils. Ah bon dans 69 minutes sans chichi. Ce sera le 6 octobre prochain sur la 2. Et puis, on connaît enfin la date de diffusion de la 8e saison de L'amour est dans le pré hein, sur RTL TVI. Rendez-vous est pris le 11 octobre prochain pour découvrir donc les 8 nouveaux agriculteurs avec bien sûr toujours la charmante Sandrine Danse. Ok, très bien. On continue nous avec une pilule qui va remplacer le sport. On l'avait rêvé, sachez qu'ils l'ont développée et elle sera bientôt commercialisée. En attendant, Fifth Harmony avec All In My Head sur Radio Contact. Voici les résultats semestriels de Belfius. 21 000 rêveurs qui ont fait construire ou rénover leur habitation. 5 927 starters qui ont lancé leur affaire. 22 800 familles aidées lors d'un sinistre. Les résultats de Belfius, c'est bien plus que 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Ce sont aussi des piscines publiques, des pistes cyclables, les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc-là, c'est l'écran de la caméra top view. Ah bah oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah activer le frein à main électrique. Et celui-là, Ça c'est mon bouton de manchette. Ton bouton de manchette. Bah bien oui. Sûr, évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Radio Contact. Time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy, do your thing. Who's all in my head? I wanna flex with you, baby. I'm trying to chill with you. Throw bills at you. I'm flexible, baby. Show me some different moves and I'll lay you through. This is meant to be, baby. Hey, make history, baby. Hey, you're the one for me. Not the one for you. So go flex with me, baby. Wow. Curtains like waves closing in all around us. Dimming the lights just so that they don't blind us. So tongue in cheek when we're laying on roses. But you're touching my skin and you're leaving me hopeless. I wanna feel you on, feel you under my body. I wanna feel you on, feel you on. Hey, time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy, do your thing. It's all in my head. I wanna feel you on, feel you under my body. I wanna feel you on, feel you on. Hey, time to impress. Come and climb in my bed. Don't be shy, do your thing. It's all in my head. Baby, you got what I want and I need it. Say you a bad motherfucker and I see it. je connaissais pas ce morceau. Fifth Harmony, c'est une nouveauté, All in My Head, sur Radio Contact. Et je vois qu'ils seront en concert avec nous le 29 octobre prochain. Ce sera au Lotto Arena à Anvers. Bon, Nathan, est-ce qu'on a déjà des réactions concernant la pilule qui va remplacer le sport via médicaments Ouais, alors effectivement, on a des réactions, mais elles sont à 100% négatives par rapport à cette nouvelle. Ah ouais? C'est étonnant, ça. Bah non, c'est pas étonnant. Je pense que les gens, en fait, c'est un peu des puristes par rapport au sport. Tu vois, ils n'acceptent pas d'ingérer des médicaments. Je pense que les auditeurs sont comme nous, enfin, du moins une bonne partie. C'est-à-dire, le sport, oui, en théorie, c'est toujours bien. Mais pour le reste, le pratiquer, c'est un peu différent. En tout cas, pour Grégory, il dit non, merci, je préfère faire du sport et me muscler naturellement, même si ça doit prendre des années, ou encore Laurent. Mais aura-t-on cette sensation de bien-être, d'avoir accompli quelque chose avec cette pilule aussi? Je ne crois pas. Ouais. Ouais. En parlant de sport, tu voulais pas reprendre, toi, le sport, là, à la rentrée? Alors, moi, je suis un peu comme lui. Ça peut me prendre des années, voire même des décennies, voire même des vies complètes. Donc, voilà, ma carte d'abonnement a été réactivé. Wow. Donc ça c'est un premier pas. Ah, c'est comme si tu faisais déjà du sport. Ouais, hein. Enfin, il te l'avait supprimé parce que tu l'avais jamais en fait ou bien. Oui, c'est un peu ça. Bon, Manu ciao, mais gustas tu juste avant Contact News à 17h30. Ellie Goulding est passée par les studios de Radio Contact. But the queen has been overthrown. Oh, and I'm not sleepy now. The dark is too hard to beat. And I'm not keeping up the strength I need to push me. You show the lights that saw me turn to stone. Oh, I'm shining when I'm alone. And so I tell myself the hope is strong and dreaming when they're gone. Cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling home. You show the lights that stop me turn to stone. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Justin Bieber en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Gaëtan, tous les jours dès 10h sur Radio Contact. Pour Adèle Live 2016, la chanteuse a laissé monter un fan sur scène après qu'il ait raconté qu'il venait du Nigeria pour la voir. Il a sorti son téléphone pour prendre des photos et Adèle voulant lui faire un bisou sur la joue et le spectateur voulant faire un selfie, les deux se sont finalement embrassés sur la bouche, s'il vous plaît. Radio Contact. Installez et découvrez la nouvelle application mobile Radio Contact. Retrouvez les derniers titres joués à l'antenne, les concours du moment et les dernières news de votre radio. Regardez Radio Contact en télévision et réécoutez les meilleurs moments du Good Morning de Pablo Andrés et Contact R&B. Retrouvez également votre horoscope et les dernières infos de votre région. Découvrez aussi en vidéo les coulisses de la radio ainsi que les interviews et sessions acoustiques de vos artistes préférés. La nouvelle application mobile Radio Contact, disponible sur l'App Store et Google Play. Me gusta marihuana. sais plus que voy a hacer, je suis perdu. Radio me gusta su cocina, una me gusta de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Ciao sur Radio Contact. Déposez votre boudin de porte démodé chez un de vos dealers Hormann pendant les portes ouvertes et recevez une réduction de 400 euros sur votre nouvelle porte d'entrée Hormann. Plus d'infos sur hormannavec2n.be. Contact News. On retrouve Valérie de Winter, bonjour. Bonjour, je vous l'annonçais il y a une heure, il n'y aura finalement pas de grève générale le 7 octobre à l'occasion du deuxième anniversaire du gouvernement Michel. La FGTB fait marche arrière. Les conditions n'étaient pas réunies selon le syndicat socialiste qui préfère programmer des actions ciblées par centrale professionnelle et par région, éventuellement en front commun. Tout cela reste à préciser et quoi qu'il en soit, une manifestation nationale reste à l'agenda le 29 septembre. La rue de la Loi à Bruxelles vide de toute voiture. Elle est fermée en raison de la grande manifestation contre le CETA et le TTIP. Deux traités entre l'Europe d'une part, le Canada et les États-Unis de l'autre. Des représentants de très nombreux secteurs sont là. Testache à Greenpeace, des agriculteurs belges à bord de leurs tracteurs, des mutualités aussi. Jean Hermès est le secrétaire général des mutualités chrétiennes. Le traité vise plus de commerce, plus de marché. Or, dans le domaine des soins de santé, le marché, le bénéfice, le profit n'ont jamais démontré que ça donnait un système plus accessible, mieux contrôlé et de qualité. Et donc, ici, nous sommes très fiers en Europe d'avoir des systèmes basés sur la solidarité. Nous craignons que demain, plus de marché, une ouverture à des assurances privées risque de détricoter notre système. Une interview de Pascal Ourmand et le cortège a pris un peu de retard. Il vient seulement de démarrer pour un parcours dans le quartier européen avant d'arriver rond-point Schumann pour un flash mob. Deuxième jour du procès de Bernard Westphal devant les assises de Mons. Les témoins se succèdent. Un policier ostendais appelé à la barre a notamment précisé que l'ex-député Wallon s'était montré particulièrement calme lors de sa première audition suite au décès de son épouse Véronique Pireton. Bernard Westphal avait notamment demandé s'il pouvait comparaître devant un tribunal francophone, ce qui avait paru étrange à ce policier dans la mesure où il affirmait que son épouse s'était suicidée. Il a aussi été question de l'opportunité de diffuser les auditions de Bernard Westphal, mais dans la mesure où elles durent 21 heures, le président de la Cour a réclamé un résumé des éléments importants. Les Red Flames disputeront l'Euro 2017, c'est historique. Notre équipe nationale féminine de football joue une dernière rencontre de gala à 19h ce soir contre l'Angleterre. Elles peuvent décrocher la première place en cas de victoire. Mais l'important était cette première qualification pour un grand tournoi. Elle pourrait permettre de développer le football féminin chez nous. La joueuse Aline Zeller est au micro de Vincent Legrève. On sait qu'on avait besoin d'une qualification comme ça pour faire parler de notre sport, de notre passion, pour donner l'envie à d'autres petites joueuses aussi de participer. Mais avec notre football ici, le football féminin, la difficulté c'était de. On veut vraiment amener à changer les mentalités des parents, de ne plus dire que le football c'est pour les hommes. On ne joue pas sur un terrain plus petit ou voilà. On a le même matériel, les mêmes tactiques, les mêmes règles. Donc voilà, il a fallu du temps, mais on va aller de l'avant avec cette qualification, en tout cas il faut. Et on veut vraiment que les gens soient derrière nous et donner la possibilité à tout le monde de faire du foot. Enfin, le couple était considéré comme l'un des plus glamour de Hollywood. Angelina Jolie et Brad Pitt, c'est terminé. Information du site américain TMZ, généralement bien informé. 12 ans passés ensemble, 2 ans de mariage. C'est elle, Angelina, qui aurait demandé le divorce et la garde exclusive de leurs 6 enfants. Maintenant, chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Demain, bonne nouvelle côté ciel apparemment. Oui, c'est vraiment une belle journée qui nous attend. Temps sec et bien ensoleillé avec des températures plus élevées qu'aujourd'hui, entre 17 et 22 degrés. Merci Valérie. Alors une pilule qui remplace le sport va bientôt être commercialisée. On en parle dans quelques secondes sur Radio Contact et vos avis sont mitigés. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Radio Contact. 16h-20h. Come on, baby. David sur Radio Contact. Bon, si vous êtes dans les embouteillages en ce moment, un petit peu de courage, hein, parce que je sais que dans certains quartiers de Bruxelles, en l'occurrence, ça coince. Ouais. Rue de la Loi qui est fermée, j'ose même pas imaginer le foutoir que ça peut être. Courage à vous. On vous divertit jusqu'à 20h et on vous balance la mise à jour. Alors, on parle de sport. Bon, vous savez, c'était la rentrée il y a de ça quelques semaines maintenant. Les bonnes résolutions, on a peut-être prises. Est-ce qu'on les a respectées? Vous, c'est pas dit. Non, d'accord. Thibaut, merci en tout cas de répondre. Nathan aussi, voilà, c'est bien. Tu es toujours là, hein? Oui, je suis là, je suis présent. Non, Thibaut, le sport, c'est pas ça. Non, Thibaut est en train de barrer une feuille en disant ça, j'ai déjà fait tout le boulot, c'est bon. Donc il barre la première heure. Très bien. Mais c'est vrai, comme dit Lucie, le sport et moi, c'est deux. Enfin, oui, très bien. T'as déjà fait du sport? Oui, j'en ai fait. J'ai fait un peu de tennis. Oui. Et attends, l'avant-bras, c'est lequel qui est développé? Je suis là, mais il y a longtemps. Ça, c'est vrai. Un peu atrophié maintenant. Bon, alors, le sport via une pilule, un médicament qu'on va pouvoir absorber, ça fonctionne déjà sur les animaux, c'est en phase de test et Lucie, les résultats sont plus ou moins positifs. Eh ben oui, voilà, c'est des scientifiques australiens qui travaillent sur cette pilule qui remplacera le sport, une petite pilule magique, et ils ont déjà obtenu de bons résultats, comme tu l'as dit David, sur des souris obèses. Alors, quels sont ces résultats? Plus de calories brûlées et moins de maladies cardiovasculaires, ce qui est quand même le plus important dans l'affaire. Le médicament, donc, sera disponible pour l'être humain dans 5 à 10 ans, selon ces scientifiques. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est clair que le sport, sur le papier, c'est bien, mais dans les faits, on préfère rester sur notre canapé. Avaler un petit médoc. Alors, quand on dit que c'est une bonne nouvelle, on s'entend bien. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est une belle avancée scientifique. Maintenant, évidemment, que derrière, mieux vaut faire du sport de manière traditionnelle et s'entretenir et avoir une alimentation saine et équilibrée. Pas vrai, Nathan? Moi, je suis plutôt du côté des auditeurs. Je préfère, comme ils le disent sur Facebook, comme Gaël, perso, je préfère le sport, le vrai, pour bien se défouler, ou Sébastien encore, une invention pour fainéantiser encore un peu plus les gens. Moi, je suis d'accord avec eux. Mais c'est aussi pour les personnes âgées, hein, qui peuvent plus faire de sport. Ouais. Ouais, mais c'est ce qu'il dit. Ouais, maintenant, on va changer le nom de la pilule. Hein. On va l'appeler la pilule qui fait vraiment maigrir. Et là, je peux t'assurer que tous les gens qui viennent d'écouter dans les trucs, ils vont faire: ah ouais, mais ça, c'est de la pilule. Ça, c'est de la bonne pilule, effectivement. Bon, allez, en tout cas, c'est pas prêt d'arriver, mais ce sera, à mon avis, potentiellement commercialisé dans les prochaines années. On parle d'une visite demain. On sera à Charleroi. On vous en parle dans un instant. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durando, doyenné du Comice, conférences et conférences bio. Et leur prix? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Tu rêves de devenir mannequin? De défiler sur les plus grands podiums? Le Top Model Belgium a découvert des dizaines de talents. Le Top Model Belgium, c'est le plus grand concours de mannequins européens avec plus de 150 000 euros de prix à gagner. Inscris-toi sur www.topmodelbelgium.com à notre grand casting, ouvert aux filles et aux garçons âgés de 14 à 28 ans, aux enfants âgés de 1 à 13 ans et aux femmes de 29 à 45 ans. Toutes les infos sur www.topmodelbelgium.com ou au 04 79 23 10 32. 04 79 23 10 32. Avec Radio Contact. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment? On part 3 semaines, 3000 euros? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Comment vous voulez représenter, vous, les résultats d'une banque? Des messieurs en costume dans une grande salle de réunion? Un rapport énorme avec des graphiques très compliqués? Il y a une façon plus simple de les montrer, ces résultats. Les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises où vous travaillez, les piscines publiques, les pistes cyclables, ça aussi, ce sont les résultats de Belfius. À côté de nos 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. Radio Contact. I won't lie to you.

se ressemblent à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. On est tous un peu pareils. On se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. C'est plus facile de pointer les doigts. On se ressemble, on s'aime. Delta, Héréditaire, c'était sur Radio Contact. Le 16-20. Sur Radio Contact. Et tout à l'heure, on aura Gérald de Palmas qui sera avec nous pour une interview et du live, s'il vous plaît, sur Radio Contact. On a pas mal de choses à vous balancer, dont les 25 000 euros qu'Hello Crowd et Radio Contact vous offrent. On en parlera un petit peu plus tard. Bon, demain aux alentours de midi, ouais, on a quand même un planning un peu on chargé. A un programme, hein. Demain aux alentours de midi, eh bien, on sera à Charleroi, plus précisément à La Montigny. Terre à l'envers. Ouais, c'est ça. À Montigny-le-Tilleul. Ouais, c'est ça. D'accord, la terre à l'envers, apparemment, c'est un restaurant. On nous a conseillé d'y aller. On va aller faire un petit tour et aller manger là-bas. Ils sont très contents, ils sont très gentils. Ça a l'air chouette. Et ça a l'air bon. Ça a l'air chouette, c'est à 12h30 qu'on sera là-bas. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On peut se croiser, ça peut être sympa. Ah bah ouais. Thibaut sera là ? Non, moi je serai au cinéma. Oh bah voilà. Bah oui, je vais aller voir un film d'horreur, tiens. Oh là là. Je déteste ça, mais bon, voilà, pour le boulot, je vais quand même. Ouais, bah ça c'est le métier, hein, Thibaut. Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Toi, t'es journaliste. Bah ouais. C'est comme ça, hein, ça fait partie des risques du métier. Exactement. Dire, hein, d'avoir peur de temps en temps. Ouais. Hey, rassure-toi, hein, ce n'est que du cinéma. Hein. Il va demander une prime. Ouais, il va le faire. Bon, vos messages également dans un instant. Donc demain, si vous êtes du côté de Charleroi, Montigny-le-Tilleul, eh bien, on sera près de vous et peut-être même manger avec vous. Donc, on rappelle le nom, Nathan ? Ouais, c'est La Terre à l'envers. Ah, bah voilà. T'es sûr ? Ouais, c'est ça. Ok. Allez, très bien. On marque une petite pause et on revient avec le lancement de la soirée. Ce sera pile poil 18h. À la radio, le message doit être clair et concis. Alors, Pizza Hut, mardi malin, 5,95€ pour une pizza médium à emporter. Bon, très bien. Mais t'as encore 3 secondes, hein ? Ouais, pas de problème. Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut. Ça, c'est parfait. Pizza Hut. Mitsubishi chez Renversante, conditions septembre en. Vous voulez dire en septembre, conditions renversantes chez Mitsubishi ? Ça, c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, conditions renversantes sur toute la gamme. Investir autrement, c'est d'abord investir du temps. Dans la vie, tout va vite. Se lever, s'habiller, partir travailler, vite faire à manger. En investissement, c'est tout le contraire. Chez Béobank, nous aimons prendre le temps. Le temps de bien vous connaître pour mieux vous conseiller. Qui êtes-vous ? Quels sont vos rêves ? À quel horizon ? C'est notre premier engagement. Vous consacrez plus de temps pour optimiser nos conseils. Alors rendez-vous dans une agence Béobank ou sur investirautrement.be. Béobank, vous êtes bien entouré. À fond au ski ? Ou à fond à l'après-ski ? Lâchez-vous ! Avec les sports d'hiver Neckermann, all-in signifie vraiment all-in. Réservez maintenant vos vacances aux sports d'hiver et recevez jusqu'à 500€ de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Il a gagné grâce à Radio Contact. T'as bien répondu apparemment à cette question. Combien de petits déjeuners offrons-nous ce matin ? La réponse était 500. Yes ! Bravo ! Yes ! C'est gagné ! Merci ! Bravo ! 500€ chez Ikea. Et franchement, à vous, c'est bonheur, hein ? Surtout que, connaissant les prix d'IKEA, avec 500€, tu repars, mais avec une montagne de trucs, quoi. Un plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Gaëtan, tous les jours dès 10h sur Radio Contact. Justin Timberlake, son nouvel album prévu pour fin 2017. À l'heure actuelle, eh bien, Can't Stop the Feeling est au sommet des charts dans des dizaines de pays. Justin Timberlake planche bel et bien sur un nouvel album. Oui, il se pourrait que ce projet soit plutôt un album entre la country et la pop. Radio Contact. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur l'application Radio Contact. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. L'app Radio Contact à télécharger gratuitement sur l'App Store et l'Android Market. Radio Contact. Radio Contact. This is Radio Contact. Derrière, elle panique. Fous-moi la paix, ma sale caboche. Tu ne me feras pas sombrer. Je t'aurai à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber. Well, today is our turn. Days like these.

m'a fallu la peur pour être rassuré. Que j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Ce que je sais par cœur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie, ni le sang. Qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans. Qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend. Comme personne ne remplace ceux qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps. Que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement. Qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant. Qu'après tout la voix se perd, mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire. Je peux seulement te dire. Qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré. Que j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur. Ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants. Que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc. Que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps. Que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire. Je peux seulement te dire. Pour être rassuré. Avant d'être consolé. Pour ne plus rien cacher. D'être apaisé. Il m'a fallu la peur pour être rassuré. Et j'ai connu la douleur avant d'être consolé. Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher. Et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore. On est en train de préparer des trucs, c'est quand même assez sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, demain, pour tout vous dire, on a un planning très chargé. Ah, on va aller prendre rendez-vous avec un hélico, voilà, c'est bien. Et puis, on va aller faire un petit tour du côté de Robert Lafritte à Charleroi. Ah, parce que j'ai... Ah bah ouais, ça c'est certain. Parce que j'ai un petit tournage pour I Like Belgium. On va revenir sur le paquet sur de frites qui était dans l'espace, souvenez-vous. Et puis, on ira à Montigny-le-Tilleul pour aller à votre rencontre à 12h30 précise. À quoi ? La Terre à l'envers. La Terre à l'envers, c'est le nom de ce restaurant. Allez, Thibaut, l'actu ciné, on commence avec Blair Witch, ouais, ça revient ? Ouais, c'est un remake du film d'horreur hein, de 1999. Hein, il est tout aussi terrifiant apparemment. Alors le projet Blair Witch raconte comment en fait une bande d'étudiants part en excursion dans une forêt afin de tourner un documentaire sur la légende de Blair Witch, un étrange cas historique de sorcellerie. Mais au fur et à mesure que le groupe s'enfonce dans le bois, eh bien une mystérieuse et menaçante présence commence à se rôder. Alors cette version est apparemment encore plus terrifiante que le film d'origine. En 2000, il faut le savoir, le projet Blair Witch devenait le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, rapportant presque 2350 fois son coût de production. C'est le film que j'irai voir demain et j'irai vous interroger pour recueillir vos impressions. Et ce sera où, quand, quelle heure ? Ce sera à l'UGC de Brouckère à 11h du matin. À Bruxelles, donc voilà. Thibaut sera là, vous allez voir tout frais, hein, comme le matin, la tête complètement à l'envers. Si vous entendez des cris dans la salle, c'est moi. Alors, je vous rappelle, hein, si vous croiser Thibaut devant le cinéma, c'est pas, on va dire, le début du film. Hein. Ouais. Non, c'est juste Thibaut. Allez, on revient dans un instant avec Morgane, ouais, un autre film d'horreur. Ouais. Et puis un dernier, juste La fin du monde. C'est un film d'horreur aussi ou pas ? Non, c'est un film français, enfin québécois. Et on parlera également de Jurassic World. Ah. On a une belle annonce à vous faire. Quand on est petit, on a de grands rêves, de grandes ambitions. On veut être pompier, médecin, savant. Sauver des vies, s'attaquer à de grands défis technologiques. Eh bien moi, je l'ai réalisé ce rêve. Et j'ai fixé mes priorités. Aujourd'hui, je suis ingénieure. chez IBA. Dans la vie, tout est une question de choix, de priorité. Aujourd'hui, IBA recrute 400 ingénieurs prêts à repousser les limites de l'innovation et à développer les nouvelles technologies pour le traitement du cancer. Info sur ibarecrute.be. Chez les garagistes du réseau 1-2-3 Autoservice, pas de tapis rouge, showroom brillant ou canapé cuir. Chez 1-2-3 Autoservice, quelle que soit la marque de votre véhicule, vous recevrez un café, un sourire. Bonjour. Et la garantie de faire ce qu'on fait le mieux, s'occuper de votre voiture. Avec à la clé en moyenne, une facture de 20% moins chère que chez le concessionnaire. Waouh ! 1-2-3 Autoservice, les garagistes de confiance, près de chez vous. En ce moment, 10% de remise sur un entretien, ainsi qu'un bon pour un check-up gratuit. Plus d'infos chez votre garagiste ou sur 1-2-3-autoservice.be. Un interrupteur intelligent de Bitty Chino est idéal lorsque... Dis, chou, la lumière est encore allumée en haut, hein? Et quand... Bon, tu veux bien éteindre la lumière? Et même quand... Pour la 10e fois, lumière! Mais malheureusement pas lorsque... Oh, pas besoin d'être une lumière pour voir le bazar qu'il y a ici. Bitty Chino propose un interrupteur qui éteint automatiquement la lumière lorsqu'il n'y a plus de mouvement. Discutez des nombreuses possibilités innovantes avec votre installateur pour profiter de plus de confort et moins de... Lumière! Bitty Chino. Teddy bear, like a leaf blowing in the air. Could you carry me? Could you carry me? 'Cause I don't know how we got so far, you and me. Almost like there's a sense between us, us. So I need to know, could you carry me? I was there for you, and you were there for me. Every time we would start a fight, we'd make love till the morning light. I was there for you, and you were there for me. So I don't know how we got so far, you and me. Almost like there's a sense between us. Us. So I need to know, could you carry me back into your heart again? Could you carry me right into your distant hands? Could you carry me right back where we started from? Could you carry me on and on and on? Radio Contact, on vient dans un instant avec tous vos messages et tout ce qu'il faut. Le temps de marquer une petite pause et de revenir avec Gérald de Palmas qui sera notre invité. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour bam 178 euros par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Un interrupteur intelligent de Bitty Chino est idéal lorsque... Dis, chou, la lumière est encore allumée en haut, hein? Et quand? Bon, tu veux bien éteindre la lumière? Et même quand? Pour la 10e fois, lumière! Mais malheureusement pas lorsque... Oh, pas besoin d'être une lumière pour voir le bazar qu'il y a ici. Bitty Chino propose un interrupteur qui éteint automatiquement la lumière lorsqu'il n'y a plus de mouvement. Discutez des nombreuses possibilités innovantes avec votre installateur pour profiter de plus de confort et moins de... Lumière! Bitty Chino.

depuis. Je l'aime parce que c'est tellement what the fuck. Donc je dis pendant que Nathan joue avec sa bouteille d'eau, c'est de l'eau, ok. Cool. Bon allez, un petit message qui va te faire plaisir, David. C'est Karine qui dit trop belle ta chemise, ça fait un peu militaire, t'es trop beau comme d'hab. Ok, merci Karine. Karine qui a des choses à se faire avec pardonner là en ce moment. Un message de Davina de Gosley. Coucou. Est-ce que tu as fait ton choix pour demain midi pour Charleroi? Je me propose de te faire découvrir l'envers du décor avec plaisir. Bah, c'est là où on va. Non, on va à la terre à l'envers. Et pas l'envers du décor. Non, mais elle dit l'envers du décor de Charleroi. Hein, c'est ce que je veux dire. Ok. Donc, backstage, quoi, tu vois, de Charleroi. Ok, super. Mais non, mais parce que. Enfin, voilà, on avait tendance. Ok, bon, allez, écoutez. On va oublier tout ce qui s'est passé, hein. Cette section message n'était pas exceptionnelle. Non, non, ça va, ça ira. Major Lazer arrive avec Cold Water. C'est aussi pour nous la fin de journée, vous l'aurez compris. Justin Bieber en concert avec Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Let's go ! Justin, tous les jours dès 13h sur Radio Contact. Bel après-midi avec nous, bon courage si vous êtes au boulot là en ce moment, je sais pas ce que vous faites, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vous me laissez un petit message sur ma page Facebook ou celle de Radio Contact, facebook.com/radiocontact, vous me laissez un petit message privé, ça fait plaisir à lire évidemment. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In The Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. Escúchame, mami, linda. Ese tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. In The Mix. In The Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact ? It's my station. De tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. 6h, 10h, le Good Morning sur Radio Contact. Forcément, on arrive à l'hôtel, on demande la carte d'identité hein, pour noter tout ça. Maria, désolé, ça j'ai pas. J'ai pas un permis de conduire, non, je l'ai pas non plus. J'ai pas une carte mutuelle, non, je sais pas. Elle a rien en fait, donc. J'ai expliqué à madame que j'avais changé de sac. Mais oui, évidemment. De sac, bah, j'avais changé de portefeuille et dans l'autre portefeuille que j'avais que ma carte de banque, effectivement. Mais oui, voilà. Sometimes you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. To different places, I will still be patient with you, and I hope you know

cette semaine. 100 points plus en plus pour chaque plein de minimum 25 litres. Ça, c'est un bel avantage. Action sous condition. Contact News. Avec Valérie de Winter, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est peut-être ça l'avenir. Un office on wheels, traduisez un bus-bureau, achemine désormais des travailleurs de Colruyt, de Gand à Halle, où se trouve le siège du groupe. Le personnel peut donc commencer à travailler dès qu'il embarque. L'objectif est de transformer le temps de trajet en temps de travail. Un projet pilote séduisant que nous explique Pascal Ourmand. Table de travail, wifi, imprimante, machine à café et toilette. Ce bus, c'est un vrai bureau pour Tim, un chef de projet qu'il utilise. On a accès à l'internet et à le système interne de Colruyt. Comme ses collègues, il est enthousiaste. Ça me débarrasse du trafic, ça gagne deux heures au moins, j'ai moins de stress, je peux travailler des journées longues. Et puis récupérer ça après. C'est bonus pour ma femme et mon petit. Colruyt s'est lancé dans l'aventure car le groupe est sensible à la question du durable. Lisbeth Sab, l'une des responsables. Pour l'écologie, c'est moins de CO2. Et puis pour nos collaborateurs, c'est le temps qu'ils font la route, c'est le temps du travail. C'est plus efficace. Pour Philippe Meuters, le ministre flamand du Travail, de l'Économie et de l'Innovation, c'est une bonne solution. Il y a non seulement avec les fils une perte économique, mais aussi une frustration avec tous ceux qui sont en file. Le test va durer 6 mois. S'il est concluant, l'expérience pourrait être élargie. Les reçus collés de médecine ont obtenu gain de cause à l'université de Namur. Le tribunal namurois des référés exige que tous ceux qui ont réussi leur première bac mais n'avaient pas été suffisamment bien classés au concours de fin d'année puissent finalement passer en deuxième. Le tribunal des référés de Nivelles a pris la même décision, mais elle ne s'appliquera qu'aux 26 plaignants de l'UCL. Les deux recteurs de l'université de Namur et de l'UCL se réjouissent, mais précisent que la situation n'est pas idéale car les étudiants n'ont aucune garantie d'obtenir un numéro inamis à la fin de leurs études. 6000 manifestants, selon la police, ont quitté la rue de la Loi à Bruxelles pour se rendre au rond-point Schuman, une action à deux pas des institutions européennes pour dénoncer les deux traités de libre-échange transatlantique que l'Union européenne négocie avec les États-Unis, c'est le TTIP, et a négocié et est sur le point de signer avec le Canada, le CETA. On n'en veut pas, scandent notamment les manifestants à coups de roulement de tambour et de sifflet. On est certain d'être les grands perdants, estiment les participants issus des mutuelles, de Testachat, de Greenpeace ou encore des fédérations agricoles. Deux nouvelles interpellations en France dans l'enquête sur la fausse alerte terroriste du week-end dernier à Paris. Deux ados de 14 et 17 ans ont été arrêtés. Le plus âgé pourrait être le deuxième hacker entendu sur l'appel donné aux policiers. Cet appel qui avait déclenché une très vaste opération de police. Le premier hacker pourrait être l'ado de 16 ans interpellé hier. En football, le coup d'envoi des 16e de finale de la Coupe de Belgique ce soir avec le déplacement de Moucron-Péruvet à Dessol et le club de Bruges qui reçoit Lommel. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Alors ce sera pas mal du tout demain. Hein. Oui, un temps sec pour tout le monde, un ciel bien ensoleillé et des températures qui remontent légèrement avec 17 degrés à Neuchâteau, 18 à Virton, 20 degrés à Coxyde et 21 à Burdine, Astière, Andenne et Waterloo. Merci beaucoup Valérie. Tout à l'heure on aura Gérald de Palmas qui sera avec nous sur Radio Contact. En attendant, eh bien si vous glandez sur internet, vous allez voir que c'est plutôt bon et vous devriez continuer. Get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's mob and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. I'ma suit your show and tell. Just like they say. babe. Oh. Marvin Gaye and Get It On. Ooh, baby, I got that healing that you want, yeah. Like I say in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and Get It On. Let's Marvin Gaye and Get It On. Marvin Gaye, c'était sur Radio Contact avec Megan Trainor. Bien. Allez, on parle maintenant de glander sur Internet, Lucille. C'est quelque chose que on pratique régulièrement. Thibaut est devenu un master en la matière, ouais, c'est vrai. Ouais, hein. Ouais, et apparemment, c'est super bénéfique. Je vais continuer. Tu fais ça très très bien. Ouais. Ça compte, ne dis-y surtout pas. On perd combien de temps sur Internet par jour? En ce qui me concerne, ouais. Ah moi toute la journée. Toute la journée, il le dit, il le revendique, il n'y a pas de problème. En fait, David, on perd pas vraiment de temps parce qu'il y a une étude américaine qui va nous déculpabiliser de passer du temps à zoner sur le net. Il y a même un livre qui est apparu qui s'appelle Perdre du temps sur Internet et qui montre à quel point c'est bénéfique. C'est un professeur américain qui s'est lancé là-dedans. Alors, ça nous rend créatifs déjà et contrairement à ce qu'on imagine, ça rend social. Bah oui, parce qu'en fait, sur Internet, on est tout le temps dans l'échange de messages, dans la communication. Donc c'est plein d'aspects positifs. Il a testé ça sur ses élèves. Ça nous rend social, mais de manière virtuelle, on est d'accord. Voilà, alors oui, ça nous rend social de manière virtuelle, mais en même temps, ça crée des sujets de conversation que tu vas exploiter dans la vie réelle. Ouais, et la preuve, nous, tous les jours dans la mise à jour, on discute de ces sujets sur lesquels on est tombé sur Internet. Il faut glander combien d'heures sur Internet par jour alors? Ah ben non, il n'y a pas de chiffre exact, mais c'est bénéfique, quoi qu'il arrive, donc ne culpabilisez pas trop. Bon, faut pas abuser non plus, mais voilà. Thibaut, tu dirais combien d'heures, toi? Moi, je dirais 4 heures. 4 heures? Oh, ouais, 4 heures, c'est pas mal. Alors, 4 heures durant l'émission, j'imagine, et 4 heures voilà, après. Bien sûr. Ah ouais, bien sûr, donc ouais. Ça fait déjà 8 heures. Ouais, ça fait 8 heures en plus. C'est pas mal. Ouais. Hein, ouais, donc voilà. Bon, écoutez, écoutons l'expert, hein, donc Thibaut, 8 heures de glande sur Internet par jour, en forme toujours. Ouais. Toujours. Exactement. Allez, très bien. On revient avec Louise Attaque dans un instant sur Radio Contact. Il est revendiqué, il n'y a pas de problème. Hein, c'est vrai, ouais, chose, bien sûr. Ouais. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offert, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Aux AP Assurance, nous comprenons que parfois, vous n'avez vraiment pas de bol. Oula, ça c'est le genre de route sur laquelle on espère qu'il n'arrivera rien. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de loup ici, hein. Ouais, ça va, il est loin. Voilà pourquoi, en cas d'accident, vous pouvez nous joindre jour et nuit, même le week-end. Souscrivez une assurance auto des AP Assurance avant le 15 octobre et recevez 2 mois gratuits. Allez vite sur lap.be pour les conditions et infos. Les AP Assurance. Faites plaisir à vos proches grâce à Nutella et au Good Morning. Souhaitez-leur un joyeux anniversaire sur antenne avec Maria et Olivier. Écrivez le message de votre choix sur un pot de Nutella qui leur sera offert dans un coffret cadeau jusqu'au 14 octobre. Inscrivez-vous sur radiocontact.be, rubrique séquence anniversaire du Good Morning. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Pour créer vos messages, rendez-vous vite sur Nutella.com. L'odeur d'une nouvelle Opel. Cette petite tension dans la nuque au moment d'allumer le moteur. La chair de poule quand on découvre le tableau de bord. Ce léger frisson quand on passe la sixième pour la première fois. Pour profiter à fond de ces sensations, vous recevez en septembre, à l'achat d'une nouvelle Opel, 4 fabuleux avantages gratuits. 3 ans de garantie, 3 ans d'entretien, 3 ans d'assistance et 3 ans d'OnStar. Pour jouir encore plus longtemps du plaisir de conduire sans souci. Découvrez la force des 4 sur opel.be. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi, disons entrecoupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. On vous offre maintenant 25 000 euros. Réalise ton projet grâce à HelloCrowd et Radio Contact. Tout à l'heure, le premier gagnant de ce crowdfunding, à savoir HelloCrowd, qui vous offre avec Radio Contact 25 000 euros, eh bien, ce gagnant est passé par Radio Contact Nicolas. Il est reparti avec 6 000 euros pour créer l'équivalent du Airbnb, mais pour les indépendants, pour les entreprises qui ont des bureaux à disponibilité, à disposition plutôt. Et donc, résultat, il est reparti avec une enveloppe de 6 000 euros pour mener à bien son projet. Il y a pas mal de projets qui sont arrivés, Nathan. Ouais, sur le www.radiocontact.me, plusieurs centaines de projets qui sont arrivés, des projets aussi cool que celui de Nicolas qui est venu tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'on va encore avoir d'autres gagnants pour cette fameuse cagnotte de 25 000 euros qu'on va proposer. Ouais, alors, elle a été amputée de 6 000 euros, mais il reste encore quand même 19 000 à partager avec 4 d'entre vous. Si vous avez un projet, si vous avez une idée, www.radiocontact.be. Est-ce qu'on a des exemples? Oui, alors il y a une marque de chaussures pour enfants, il y a un projet de mini-ferme écologique que les gens pourraient visiter, également un projet qui consiste à rénover des vieux meubles et puis créer ensuite un webshop avec ces meubles. Donc voilà, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a aussi une idée de toboggan géant qu'on installait dans les villes. Vraiment, il y a des super trucs. Donc continuez à vous inscrire sur le site de radiocontact.be. Alors, Nico nous disait tout à l'heure, le gros avantage, c'est qu'il ne fallait pas commencer à remplir des pages et des pages et des pages sur Internet. C'était plutôt rapide, simple et efficace. Et lui n'y croyait pas, mais pourtant, il est reparti tout à l'heure. Et vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux avec un chèque de 6 000 euros grâce à Radio Contact et HelloCrowd. www.radiocontact.be pour mettre votre projet. On vous y attend dès maintenant. Gagnant ou pas, tu peux toujours financer ton projet grâce au crowdfunding sur HelloCrowd.be. Hello Bank, mobile, just like you. Ah, la nature, les petits oiseaux, le grand air, et nous, rien que nous. Ouais. Pas une maison, pas un village à 10 km. Non, parce qu'il n'y a rien. Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouh, l'horizon c'est loin. Oh oui, c'est loin. On s'en va? On s'en va. Eh oui. Résister à la très belle finition sportive ST-Line des Ford Fiesta, Focus et Mondeo aux performances des du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Ouais.

Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre, chez Mitsubishi, conditions renversantes sur toute la gamme. Dimanche au jeudi, 20h minuit, retrouvez Christopher sur Radio Contact. Si vous êtes fan de Tal, sachez que j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer la concernant. Elle a eu l'occasion de retweeter ça aujourd'hui du côté de son compte Twitter. Oui, son nouvel album sortira bien au mois d'octobre. Alors elle enchaîne avec des petites infos, comme par exemple, elle a dit, c'est presque la fin, on va envoyer les titres au mix et au mastering. Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93, 15 centimes par message. Silver. me cache, montée d'un étage. Aujourd'hui je plane dans les nuages. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter. Mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter. Qui m'écoutent et qui de même sont otages, j'écris pour vous dire courage. À ceux qui m'écoutent, même lorsque je doute, je chante merci, je vous aime quand je suis lâche. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma vie me porter. Mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Radio Contact. Your picture perfect blue, sun bathing on the moon, stars shining as your bones illuminate. First kiss just like a drug, under your influence, it's hit me over, you're the magic in my veins. This must be love. Dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do. I'll fall right into you. Going under, cause the spell, just say the word. I feel your love. Boom, crack, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, crack, you make me feel good. Come on to me. Charlie XCX sur Radio Contact, c'était Boom Clap. Radio Contact.

Are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be de Palma sera tout à l'heure sur Radio Contact pour une interview et puis un titre en version acoustique. Avant ça, eh bien, le replay du top 3 des auditeurs, c'était ce matin entre 6h et 10h sur Radio Contact et dans Good Morning. Le voici maintenant pour vous. Le top 3 des auditeurs. Allô ? Top of the 3. Oui, top of the 3. Allez, on est prêts pour le top 3. Et ce matin, dans le top 3, spécial Delta. Ouais. Maria sait mettre à l'aise les artistes. Des artistes qui s'invitent eux-mêmes. Et alors, pour terminer, un massage qui fait peur. Attention. Numéro 3. Une des règles d'or des interviews en direct, c'est de mettre à l'aise les artistes. Et on peut dire que Maria sait y faire, écoutez. Julien et Benoît qui sont avec nous, ça va les garçons? Ça va bien, vous en êtes. Ça nous a réveillés direct. Bon, alors vous êtes levé à quelle heure alors pour être là? 5h45. Oh mon Dieu. Moins 15 minutes plus tard. 115 minutes plus tard, ouais. Ça veut dire que toi tu n'es pas lavé quoi. Si, je me suis lavé, j'habite plus tranquille. Voilà, au bon accueil, bonjour. Numéro 2. Les artistes sont tellement à l'aise qu'à la fin ils s'invitent eux-mêmes, écoutez. Delta en concert, on le rappelle, le 14 octobre à la Madeleine à Bruxelles. Toutes les infos sur radiocontact.be. Franchement, on vous souhaite un excellentissime concert. Merci beaucoup. On prend un plaisir incroyable à vous écouter. Sincèrement, vous revenez demain. Génial, top. Numéro 1. Et enfin, pour terminer, Olivier leur demande s'ils ont tout ce qu'il leur faut et pourquoi pas un massage. Alors, de Maria peut-être, mais certainement pas de Gary. Écoutez le nom d'horreur. Dans la voix, on sent la peur, carrément l'effroi, écoutez. Delta toujours au taquet. Au taquet. Vous êtes bien, tout va bien, n'avez besoin de rien, un petit café, un verre d'eau. Tout va bien, merci. Un petit massage. Non, tout. Non. Dit-il en regardant Maria. Non, ça m'a regardé. Tu m'as regardé, c'est vrai. Je regardais Gary, je pensais que. Tu veux que je te fasse un massage? Non. On a senti la biche effrayée dans les phares de la voiture. Rendez-vous demain dès 6h. Demain, une émission encore un peu spéciale. Ah oui? Ah bon? Demain? Ah oui, qu'est-ce qui se passe c'est demain? Comme elle est contente, elle pense à ça depuis un an. Au moins, je suis sûr qu'on aura à manger. Ça, À demain! Ça, non à demain! Retrouvez les meilleurs moments du Good Morning sur radiocontact.be. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ben oui, déchaînez-vous. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450€ ou 229€ par mois en personnel lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi.

la dame que j'aime. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pour le cœur. Radio Contact. Radio Contact. Uh-oh, running out of breath, but I got stamina. Uh-oh, running out, I close my eyes, but I got stamina. And I see another mountain to climb, but I got stamina. Don't give up. I am the wisdom of the fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, if the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. Elle habite ici, elle dort dans mon lit. Ça, c'est qui ça? Gainsbourg, mais Gérald de Palmas. Oui. Exactement, ouais. Gérald de Palmas qui sera avec nous dans, grosso modo, merdo, c'est un quart d'heure, le temps qu'il arrive, qu'il s'installe. Vous allez voir, c'est un mec hyper sympa. Moi, j'avais un petit a priori, je vous le cache pas. Oui, parce qu'il a l'air très timide et pas forcément antipathique, mais en tout cas, pas grand déconneur, quoi. Voilà, c'est ça. Et pourtant, il cache bien son jeu. Bon, vous restez là sur Radio Contact, l'un de l'autre message. Ouais, alors les auditeurs nous posent des questions, David. Répondons. Il y a Myline qui dit, petite réflexion, pourquoi est-ce délicat / tabou de parler de son salaire? Je suis curieuse d'avoir ta réponse, David. Pourquoi? Je pense que c'est parce que... C'est culturel. C'est culturel. En Belgique, on ne le dit pas de peur de frustrer ou que ce soit mal interprété. Ou alors, simplement qu'on soit à un moment mal à l'aise aussi. Ou que la personne soit en face de nous mal à l'aise. Pour différentes raisons, mais c'est vrai qu'on ne l'exprime pas. Alors qu'aux États-Unis, C'est pas tabou là-bas. Rencontres quelqu'un, la première question c'est combien tu gagnes, la deuxième question c'est de quelle université tu viens, et la troisième question c'est... Ton équipe de foot. Voilà, ton équipe de foot ou... Américain. T'es célibataire? En tout cas, c'est ce qui m'arrive régulièrement. Voilà. C'est toi. Et puis, une autre question, alors là, mais rien à voir. C'est Gaetano qui dit, toi qui aimes ça, justement, les questions. David, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui boivent le petit doigt levé pourquoi est-ce que vous faites ça, en fait? Le petit doigt levé. Ah oui, avec une tasse ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je le fais. C'est mon côté un petit peu vieille France. Pour les monter. Pourquoi est-ce que les gens font ça, Alors, je pense que, sincèrement, là, il faut poser la question à une experte, à savoir Dame Lucille. Je vais regarder sur Internet, mais c'est une très bonne question. Alors, c'est un truc à la Nadine de Rothschild, le petit doigt levé. Mais écoute, je vais regarder. Je pense que ça peut être. Lucille. Contacte Nadine directement. Je vais l'appeler. Ce sera beaucoup plus simple. On tente de trouver la réponse et avant ça, Contact News. We got it. Les vendredis et samedis soirs, Contact R&B, c'est Contact R&B sur Radio Contact. This is why I'm hot, this is why I'm hot, this is why, this is why, this is why I'm hot. Contact R&B. Le meilleur du son R&B. Contact R&B. Love mama, it's your boy Youngin. G5 dipping Louis Vuitton luggage. Ay, gotta love it. Your boy so fly. And all the ladies go winning, go by. Tous les vendredis et samedis soirs, minuit, 2h du mat. It's Contact R&B. Contact R&B sur Radio Contact. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur l'application Radio Contact. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. L'app Radio Contact à télécharger gratuitement sur l'App Store et l'Android Market. Justin, tous les jours dès 13h sur Radio Contact. Matt Simons, ce New-Yorkais qui cartonne littéralement avec ce morceau. Alors ce gars chantait dans des bars, des tout petits bars du côté de New York. Et puis, un producteur néerlandais l'a chopé et lui a permis de sortir notamment ce single. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit. C'est In The Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. Escúchame, mami linda. Hace tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. In The Mix. In The Mix by Mademoiselle Luna chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Radio Contact, feel good. Bientôt chez Radio Contact. Qu'est-ce que t'as fait? Il a renversé ma salade de fruits par terre. Je te dis pas la moquette. Hein. Allez, on vient de changer la moquette il y a 4 ans. Bah voilà. De quoi? Je fais de la compote, c'est bon. Il est drôle. Phénomène. Déposez votre boudin de porte démodé chez un de vos dealers Hermann pendant les portes ouvertes et recevez une réduction de 400 euros sur votre nouvelle porte d'entrée Hermann. Plus d'infos sur hermannavec2n.be. Contact News. Avec Valérie de Winter, bonsoir. Bonsoir à tous. Il n'y aura finalement pas de grève générale le 7 octobre à l'occasion du deuxième anniversaire du gouvernement Michel. La FGTB a fait marche arrière. Les conditions n'étaient pas réunies selon le syndicat socialiste qui préfère programmer des actions ciblées par centrales professionnelles et par région, éventuellement en front commun. Tout cela reste à préciser. Et quoi qu'il en soit, une manifestation nationale reste à l'agenda le 29 septembre. Ce sont finalement 9000 personnes qui ont manifesté à Bruxelles pour protester contre le TTIP et le CETA, deux traités de libre-échange transatlantique avec les États-Unis d'une part, toujours en cours de négociation, et le Canada d'autre part, qui lui pourrait recevoir un premier feu vert demain. Les manifestants de tous bords ont défilé entre le carrefour Arlois et la place Schuman dans le quartier européen. Il y avait là des syndicats, des mutualités, des associations comme la Ligue des droits de l'homme, Testacha, Greenpeace ou encore la Fédération des étudiants francophones, et puis des agriculteurs comme Stéphane Delogne, éleveur à Bertry près de Libramont et porte-parole de la FUGEA qui regroupe éleveurs et agriculteurs. Il est au micro de Pascal Ourmand. Si le TTIP venait à passer, on aurait des importations américaines à beaucoup plus bas coût et de moindre qualité. Ça tirerait à fond notre production vers le bas, ça nous obligerait à un nivellement sur la qualité par le bas, ça tuerait notre élevage viandeux. Je vous prends un exemple. En Europe, l'élevage viandeux repose avant tout sur l'herbe. Aux États-Unis, sur le maïs OGM. Et donc, on risquerait clairement d'avoir une production de viande qui ne repose plus que sur le maïs OGM, qui vienne un euro moins cher que chez nous et qui tue toutes nos filières de qualité, toutes nos filières herbagères. On voit déjà aujourd'hui les fermes qui sont sous pression, les trésoreries de fermes souffrent. La fin des quotas laitiers, c'est une catastrophe. Et on revivrait une razzia pour l'élevage viandeux et des fermes, des dizaines de fermes familiales qui disparaîtraient. Et le modèle industriel s'imposerait sans obstacle. Deuxième jour du procès de Bernard Westphal devant les assises de Mons. Les enquêteurs sont venus expliquer les tout débuts de l'enquête après la mort de Véronique Piroton dans la chambre 602 de l'hôtel Mondo d'Ostende le 31 octobre 2013. Les objets retrouvés, l'analyse de la scène, la demande de Bernard Westphal pour savoir s'il pourrait être jugé en français à un moment où il était auditionné pour le suicide de son épouse. Demain, les enquêteurs termineront leur exposé avant d'être interrogés. Les reçus collés de médecine ont obtenu gain de cause à l'Université de Namur. Le tribunal des référés de Namur exige que tous ceux qui ont réussi leur premier bac, même s'ils n'ont pas été suffisamment bien classés au concours de fin d'année, puissent finalement passer en deuxième. Le tribunal des référés de Nivelles a pris la même décision, mais elle ne s'appliquera qu'aux 26 étudiants de l'UCL qui ont porté plainte. Le coup d'envoi de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Barack Obama, le président américain, s'est déjà exprimé à la tribune. Il a notamment appelé à poursuivre les efforts diplomatiques en Syrie en dépit des revers, martelant qu'il n'existait pas de solution militaire à ce conflit meurtrier. En football, le coup d'envoi ce soir dès 16e de finale de la Coupe de Belgique. À 20h, le club de Bruges reçoit l'OMEL. Et à 20h30, le déplacement de Moucron-Péruet à Dessel. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Alors ce sera demain la plus belle journée de la semaine. Oui, beaucoup de soleil, des températures plus douces qu'aujourd'hui, entre 17 et 22 degrés. Ça s'annonce vraiment très bien, David. Merci beaucoup Valérie. Dans un instant, on retrouve Gérald de Palmas sur Radio Contact. Mais en attendant, c'est Kavinsky. There's something inside you.

La beauté du geste, c'est le nom du nouvel album. Alors, l'extrait qui tourne sur Radio Contact, c'est Le jour de nos fiançailles que tu vas nous interpréter dans quelques secondes. Ah, cool, hein. Version acoustique, s'il vous plaît. On écoute juste cette petite partie. Donc alors moi si j'ai bien compris, un mec qui s'enroule une nana, ça se passe bien, et puis le jour de ses fiançailles, il se barre. Il se casse. Oui. Hashtag derrière connard.